Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Ce soir, on a en tout premier lieu deux nouvelles pièces que nos amis new-yorkais de IZ nous ont envoyées. Deux nouvelles pièces qui vont se retrouver sur leur Endless Collection en vente sur Bandcamp et uniquement. C'est des pièces qui ne sont pas destinées à apparaître sur CD. Et on aura aussi une pièce d'un tout nouveau Inner Prospect. C'est le projet du claviériste italien Alessandro Di Benedetti, qui est connu pour son rôle au sein de Matt Crayon. Et plus récemment, on le voit souvent là, dans les projets de Samurai of Prague. Et c'est son 14e disque sous le nom de Inner Prospect. Après ça, Marc, je pense qu'on reste en Italie. Oui, avec la formation italienne Nata. On aura un nouvel extrait là, de leur nouvel album qui est excellent, Uomini di Sabbia. C'est une formation qui a débuté à la fin des années 90, mais dont leur premier album est paru en 2008. Donc, on aura de cet nouvel album la pièce Il Pianto del Cielo. Ce sera suivi du trio allemand Sen Project et un extrait de leur premier album The Lost One qui est paru au début mars. On aura la pièce She Came and Went et ce sera suivi d'une formation de la Finlande. C'est la formation Astral Magic qui est le projet du bassiste Santu de la formation The Dark Sun and the Rising Telepath qui a débuté en 1991. Donc, Astral Magic a déjà trois ou quatre albums à son actif et celui-là va paraître bientôt, intitulé Magical Kingdom. On aura la pièce Dimension Link. Mais comme vous le disiez, Michel, on débute d'abord avec deux nouvelles pièces de la formation IZ. point of view spells disaster. You're such a rush. You're such a rush. You have something you'd like to say. Maybe later on. Maybe today. You've never talked this way before. You're such a rush. You're such a rush. lassù, nuvole gonfie sul mare. Son due anni che non scende una lacrima dal cielo, e la terra è arida come arido il cuore, e raccolta incerto come incerta la vita. Aspettiamo il pianto del cielo, benedetto ovunque gli sia, se una goccia dopo l'altra verserà sopra i campi. Aspettiamo il pianto del cielo che ci tolga questa sera. Aspettiamo il pianto del cielo, con il vino, le danze e canti. CKRL. Christian Morissette Jazz reçoit Claude Laflamme le 26 avril à la Chapelle Spectacle. Accompagné des musiciens Didier Archambault et Olivier Mador-Millette, le jazzman québécois Christian Morissette reçoit un artiste invité différent par spectacle. Présenté une fois par mois, en présentiel ou en webdiffusion, la série a pour but de faire découvrir la musique jazz. Réservation à lachapellespectacle.com ou au 418-641-6032. Cette série est présentée grâce au support de Musique Action, Patrimoine Canada et la SODEC. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. De retour à Terra Incognita, pour notre deuxième demi-heure, on a une nouveauté italienne pour amorcer, donner le coup d'envoi. Il s'agit de Il Sogno di Rubik, qui nous présente un second album intitulé Stati Equivoci delle Sere. Et on remarque la présence de Richard Sinclair de Caravan à la base pour une pièce. Un premier album est paru en 2020 sous le titre de Tentacles and Miracles. On aura par la suite d'Australie Ben Craven avec un cinquième album, un multi-instrumentiste. Et puis c'est assez impressionnant parce que pour le dernier disque, il est seul pour tout, et musique qui pourrait finalement servir beaucoup de trame sonore de films. L'album en question a pour titre Monster from the ID. Et puis après ça, Marc, je pense qu'on a une destination inhabituelle ou inusitée. Oui, en effet, c'est un groupe d'Israël, la formation Lucid Lane, et leur premier album éponyme qui vient de paraître. On aura la pièce Out of Sight. On aura également un second extrait de l'album à venir de Alex Carpani. L'album paraîtra le 29 avril et il y a sur ça la contribution de beaucoup de musiciens invités. Alors on aura cette fois la pièce Prime Numbers et également une formation de la Norvège dont on a fait jouer pas mal tous leurs albums. C'est leur cinquième en cinq ans depuis 2018. La formation Laughingstock, tirée de leur album Zero Acts 3 and 4. Alors on aura la pièce Running Faster, mais tout d'abord la nouveauté italienne Il Sogno di Rubik. Thank you. parlato senza misere pallida. Oh,

Les Ontarois de Ship of Fools se sont récemment joints à la team Hell for Breakfast pour leur nouvel EP, Statu Quo. Disponible sur bandpourmon.ca et sur toutes les plateformes numériques. Matin, midi, soir, ça goûte bon à la boîte à pain. À chaque instant de la journée, on entre en succursale et ça sent la fraîcheur. À notre menu, plus de 40 variétés de pain, sandwicheries, pizza et calzone cuits au four à bois, quiche maison, soupe, salade, viennoiserie, café et dessert. La boulangerie artisanale La Boîte à Pain, Saint-Roch, Sainte-Foy, Limoilou et Grand Marché. Boîteapain.com. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura des formations de Royaume-Uni, de la Finlande, de l'Italie. De l'Italie, on aura la formation Odessa, l'excellente formation italienne qui a fait paraître son troisième album récemment, l'Alba della Civiltà. On aura la pièce Di Buio e Luce parte due. On aura également la formation Ske, qui a fait paraître en 2021 son second album, Insolubilia. On aura la pièce Insolubilia 5. Et également de la Finlande, on aura la formation Malady, tirée de leur plus récent album Ainan Viata, paru en 2021, et la pièce Vapa Ja Otio. Mais pour débuter le bloc musical, Michel, une formation du Royaume-Uni dont on a présenté déjà plusieurs extraits de leur premier album, paru en tout début d'année. Oui, un album qu'on apprécie tous les deux. C'est le groupe Retreat from Moscow. Et un groupe qui a été actif vers la fin des années 70. C'est séparé et reformé en 2018. Mais pendant ce temps-là, les gars n'ont évidemment pas chômé. Il y a notamment Greg Arver qui a travaillé beaucoup dans le domaine de la réalisation, production studio avec des groupes comme Manic Street Preachers. Il a aussi travaillé avec Corey Hart et puis Tom Jones, je pense aussi. C'est assez varié comme feuille de route. On écoute donc un extrait de ce premier album, ma foi fort réussi, The World As We Knew It. The world as we knew it, of monsters and men. Yeah, moving forward, we are the ones you left behind. We'll be right back. have fallen many times. I have stolen from the sun.

SKRL. Alimentex, la première épicerie naturelle à Québec depuis 1969. Vous y trouverez des aliments biologiques, des produits de santé naturels sous forme de tisanes, crèmes et extraits de toutes sortes. Alimentex, c'est aussi tout ce dont vous avez besoin pour vos recettes. Des spécialistes sont sur place pour vous conseiller. Avant d'aller ailleurs, passez chez Alimentex, c'est la référence à Québec. Pour des conseils de santé, prenez rendez-vous avec notre naturopathe. De plus, Alimentex offre 10 % de rabais le premier mercredi du mois sur tous les produits à prix réguliers en magasin. Alimentex, ça vaut le déplacement. Coin 1ère avenue et 12e rue à Limoilou ou alimentex.ca. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Nous voici déjà arrivés au dernier bloc de l'émission Terrain Incognita. Alors, dans cet prochain bloc musical, on aura la formation de la Suède Bright Eye Bryson qui faisait paraître en 2008 leur troisième album Believers and Deceivers. On aura un extrait de la pièce de Harvest. C'est presque des longues pièces qui avoisinent les 20 minutes sur cet album-là. Donc, un extrait de la pièce de Harvest. Mais pour débuter, Michel, une formation de la Lituanie. Oui, The Skies, un groupe qui a été formé en 1995, a publié quelques cassettes à l'époque et finalement un premier CD en 2004, Postmodern Game. Il y en a trois autres qui ont suivi, 2011, Colors of the Desert, Journey Through the Skies en 2015 et finalement le plus récent et qui date quand même de quelques années, Automatic Minds, paru en 2019. On va écouter un extrait de leur second album, Color of the Desert. Thank you. yesteryears, it seems like all have disappeared in distant past. They could not last. Now those fading memories are blown away on the morning breeze and withered to dust. My mind's a maze of secrets lost, reluctant still to face the cost. No doubt you will send me the bill. Like standing on a mountain top, I'm so afraid to make the drop and not turn away. We'll stop with the treatment if you stay. Casting all your fears aside, for sure you're. Reveal what all should know. Please. Ce soir, on a choisi de vous laisser avec un disque spécial, la réunion de Hosanna et de David Jackson, le saxophoniste de Vandergraaf Generator, pour un album qui a pour titre Prague Family. Jackson avait tourné avec la formation italienne et ils se sont retrouvés finalement en studio pour immortaliser toutes ces pièces là, qu'ils avaient retravaillées ensemble. Donc, un seul album paru sous le nom de Hosanna and David Jackson. Il y a quelques invités, et même plusieurs, dont David Cross, le violoniste, l'ex-violoniste de King Crimson. C'était Marc Chaunet et Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste. Et l'autoroute suit dans quelques instants. On vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL. Fammi dà, la fama, fama, rita, vuoi che fa la scuzzolata. femmina aiutata e vecchie, vecchie, vecchie fai malocchia. Sempre stesso diamo di arrangiare, non si sta fatica e non si cambia più. La magna sulla mente, preda di moderno mette, passa fa aiutare, tometto pure a rete. Mamma che ci sta, yamma, yamma, coppia mia, yamma, yamma, coppia mia, coppia mia, funiguri, funiguri. Hey, ici Paul Carnello. Vous êtes en train d'écouter CKRL, la meilleure station radio à Québec. CKRL 89.1. Quand on m'a parlé de m'adresser à vous concernant CKRL, il y a un seul mot qui m'a flashé dans le cerveau, c'est un gros merci. Puis ensuite, il est apparu une image, celle d'un bateau surnommé CKRL. Ce bateau avait un étage complet qui s'appelait Blues. Et j'ai vu apparaître et entendre surtout la voix de Gabriel Côté, qui était un précurseur dans le domaine. Et ensuite est apparu le visage d'André Gagné, qui avait baptisé une émission à CKRL le vendredi soir, rue d'Auteuil. Ce blues m'a amené à rencontrer des artistes, des organisateurs, et ça m'a vraiment enrichi à tout point de vue. C'est Michel Dubois qui vous parle. J'anime rue d'Auteuil le vendredi à 20h. En 2023, CKRL aura 50 ans. 50 ans de radiophonie communautaire. Ce n'est pas une erreur, faut que tout est officiellement de retour avec leur album Cookie Computer. Cookie Computer est maintenant disponible en magasin et sur toutes les plateformes de streaming. Ici Jessica Leb. Sortie culturelle à la Korrigan, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec CKRL et les artistes d'ici. Chaque mercredi, de 17h30 à 19h30, les invités se dévoilent au plus près de vous en entrevue et prestations au 380 rue Dorchester. En assistant à l'émission, vous pourriez même repartir avec des prix de présence. N'attendez plus, faites-le aujourd'hui. Renouvelez votre carte de membre au 405 3e avenue à Limoilou. Votre carte ne coûte que $25 et elle est valide pour un an à partir de la date d'adhésion. Rien n'est plus moderne que la nostalgie. Regarder en arrière n'est jamais un signe de faiblesse, plutôt un espoir fou de se réinventer. Puis comme nous sommes dans une ère où cette expression n'a jamais pris autant son sens, moi, Alex Trudel, je vous invite à reconnecter avec l'essentiel, avec vos artistes préférés, par le biais de cette émission à la fois touchante, drôle et sympathique. On jase de toi. On jase de toi, le samedi 18h. Ben voyons, le monde est donc ben cheap. Pourtant, d'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps.